Frédéric, Mélina de Pantin. Écoute, je viens d'écouter en replay le podcast sur Madame Esservie et c'était une vraie Madeleine de Proust. Voilà, moi qui ai grandi dans les années 80, c'était vraiment le premier sitcom que j'ai dû voir de bout en bout et on était avec ma sœur, on pressait mes parents pour avoir fini de dîner au moment du début de Madame Esservie et on se collait devant la télévision familiale dans le salon. Mon père critiquait les rires en boîte derrière, mais finalement, on avait fait une analyse féministe magnifique et j'ai hâte de lui raconter qu'il se trompait un peu sur cette série qu'il n'aimait pas du tout. Voilà, merci pour vos émissions. À bientôt. To be or not to be, not to be. Il faut quand même faire preuve d'une mauvaise foi quasi cosmique pour ne pas reconnaître qu'il existe d'énormes inégalités hommes-femmes. Il suffit de voir la manière dont le procès de Johnny Depp et Amber Heard a été traité médiatiquement. Personnellement, je ne vis ni avec l'un ni avec l'autre. Je ne me rappelle pas les avoir vus porter des cartons à un de mes déménagements, ni offrir des cadeaux à l'anniversaire d'un de mes gosses. Donc j'aurais tendance à dire que Johnny Depp et moi, on a plutôt des rapports distants. Quant à ses films, même si j'ai pu en aimer certains, contractuellement, ça ne m'oblige pas à lui donner un rein. Tout ça pour dire que Johnny Depp et Amber Heard, ça n'est pas dans le top 10 de mes préoccupations. Ce n'est même pas dans le top 100. Sur leur procès, moi, je n'ai rien à en dire parce que je ne suis pas juge, ni jury, ni témoin, je ne suis rien. Et pourtant, pendant des semaines, sur la planète entière, sur le net, des gens, souvent des hommes, mais pas que, qui n'en savent pas plus que moi, ont commenté, décortiqué, démonté, analysé toutes les déclarations et les réactions d'Amber Heard pour vilipender celle qui avait eu l'outrecuidance d'accuser leur star Johnny Depp de violence. Le verdict n'était même pas rendu dans toutes ces subtilités juridiques américaines qu'Amber Heard avait déjà perdu. Et avec elle, toutes celles qui se demanderont un jour si ça vaut le coup de porter plainte. Déjà d'autres Johnny Depp, d'autres stars accusées de violence ou d'harcèlement, envisagent de faire des procès contre celles qui les ont selon eux diffamées. Il y a quelques années, des actrices ont lancé le mouvement MeToo. Un tribunal populaire vient d'y répondre avec le mouvement MeToo. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. You clean anyone? Et tu nettoies n'importe qui? No women, no kids. Ni femmes, ni enfants, c'est la règle. How much would it cost to hire someone? Ça me coûterait d'engager quelqu'un pour descendre les fumiers qui ont tué mon petit frère. $5,000 a head. 5-6 000 chacun. Wow. How about this? Bon, écoute, je te propose un marché. I work for you. Je travaille pour toi. In exchange. Et en échange, you teach me how to clean. Tu m'apprends à nettoyer. Hmm? What do you think? Qu'est-ce que t'en dis? Clean your place. Je te laverai ton linge, je rangerai l'appart et je te ferai toutes tes courses. Is it a deal? Alors, c'est oui? Elle fait ses débuts au cinéma en 1993 à 12 ans dans Léon de Luc Besson aux côtés de Jean Reno. Elle est depuis devenue l'un des visages les plus connus du cinéma. Alternant des rôles dramatiques chez Aronofsky, Michael Mann ou Woody Allen, le grand public a aussi pu la voir dans des blockbusters tels que la franchise Star Wars ou les films Thor chez Marvel Studios. Cette actrice que l'on a littéralement vue grandir sur grand écran incarne également toutes les injonctions, les combats et aussi toutes les pressions qui pèsent sur une femme puissante du 21e siècle. Pour revenir sur un parcours qui est aussi une photographie de certains grands enjeux de la société, j'ai avec moi Océane Zerbini, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice des podcasts Lemon Adaptation Club et Infusion. Exactement. Je l'ai dit à l'anglaise. Hein. À l'anglaise, c'est à l'anglaise, très bien. Mais... Alors dites anglais. Avec nous également Renaud Besbourdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et rédacteur en chef de Cinématrack, mais aussi auteur de la pièce de théâtre musicale L'Oublié du cimetière de Greenwood, qui reprendra au Théo Théâtre à Paris en novembre. C'est exactement ça. Avec nous de retour, Judith Beauvallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes youtubeuse avec votre chaîne Demoiselles d'Horreur. Absolument. Les présentations sont faites, il est temps d'ouvrir notre blockbuster consacré à Natalie Portman. Pourquoi tu caches ta cigarette? C'est plein d'indices dans cette baraque. Je tiens pas à ce que mon père soit au courant. J'ai assez de problèmes comme ça. I turned 12 on the set of my J'ai eu 12 ans sur le tournage de mon premier film, Léon. dans lequel je joue une jeune fille qui devient amie avec un tueur à gages et qui espère se venger de celui qui a tué sa famille. Le personnage découvre et développe sa féminité, sa voix et ses désirs. À ce moment-là de ma vie, je découvrais moi aussi ma propre féminité, mes propres désirs et ma propre voix. J'étais tellement enthousiaste à 13 ans, quand le film est sorti, que mon travail et ma performance artistique touchent le public. J'ai ouvert avec enthousiasme ma première lettre de fan. Un homme m'avait écrit qu'il rêvait de me violer. Une radio locale a organisé un décompte des jours jusqu'à mon 18e anniversaire, date à laquelle ça deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma faisaient référence à ma poitrine naissante dans leurs articles. J'ai rapidement compris, même à l'âge de 13 ans, que si je m'exprimais sexuellement, je ne me sentirais pas en sécurité et que les hommes se sentiraient autorisés à discuter et à considérer mon corps comme un objet. J'ai vite adapté mon comportement. J'ai rejeté tous les rôles avec ne serait-ce qu'une scène de baiser et j'ai parlé ouvertement de ce choix dans les interviews. J'ai mis en avant mon goût pour les livres, mon côté sérieux et je me présentais avec des vêtements élégants. Océane Zerbini, d'où vient Nathalie Portman ? Alors, c'est-à-dire, où est-elle née, dans quel milieu familial ? Alors, donc Nathalie Portman est une actrice israélo-américaine, donc qui est née en Israël avec une famille plutôt intellectuelle. Et d'ailleurs, son prénom lui vient d'une chanson de Gilbert Bécaud que ses parents aimaient beaucoup écouter. Et donc, elle a pu grandir dans un milieu culturellement assez favorisé et donc développer assez tôt un goût pour les arts qui l'a menée jusqu'au plateau de tournage quand elle avait 12 ans. Pour Léon, donc en 1993. Oui, parce que à la base, il y a un chasseur de tête d'une agence de mannequinat qui l'a repéré dans une pizzeria et qui lui a proposé de faire des photos. Et elle, en fait, dès le début, elle était très axée sur le cinéma. Elle savait déjà vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle était très cultivée, effectivement. Elle lisait beaucoup, elle regardait beaucoup de films. Et donc, c'est cette soif aussi, à mon sens, qui lui a permis d'avoir très tôt le nez fin pour beaucoup de grands réalisateurs qui sont quand même venus très très tôt à sa porte. Et alors, il y a évidemment son premier film, Léon, un peu professional en version anglaise, où elle joue aux côtés de Jean Reno dans un film réalisé par Luc Besson, alors qu'elle n'a que 12 ans, ce qui est quand même extrêmement, extrêmement jeune pour une actrice. Judith Beauvallet, quelle image avez-vous de Léon, ce film? Parce que depuis, on sait énormément de choses sur Luc Besson, sur la genèse aussi d'écriture autour de films dont on va sûrement parler. Mais juste d'un point de vue spectateur, qu'avez-vous ressenti en voyant Léon? Alors, très honnêtement, alors effectivement, pour les raisons qu'on a plus ou moins évoquées, je ne porte aucune affection envers Luc Besson en tant que personne, mais en tant que réalisateur non plus. Donc c'est un film, on m'avait beaucoup dit, non mais il faut voir Léon, ça fait partie des très bons Luc Besson. Quand je l'ai enfin découvert à la fin de l'adolescence, non, je l'ai pas aimé non plus. Honnêtement, c'est pas du tout un film que je trouve bon. Après, je trouve pas ça intéressant, si vous voulez, qu'on ait effectivement une histoire qui parle des désirs naissants d'une gamine et que bah il y ait cette espèce de rapport ambigu avec un homme adulte. Je trouve pas du tout que ce soit un sujet interdit. Je trouve juste que le film le traite assez mal et je pense que c'est dû au regard de Luc Besson qui est lui-même assez ambigu. Renaud ? Oui, absolument, je suis complètement d'accord. Et il faut savoir d'ailleurs que le film a beaucoup évolué du fait de la pression de plusieurs personnes, dont les parents de Nathalie Portman, qui, selon ses dires à elle, n'ont jamais agi comme des agents, mais vraiment comme des parents, et qui ont donc souhaité censurer certaines séquences de ce film-là. Alors après, bon, il y a des débats sur qui a voulu censurer quoi, mais en tout cas, c'est ce qu'elle elle dit sur ce point. Moi non plus, je suis pas très attaché à ce film, même si je vois et je comprends en fait comment ça a construit la suite de sa carrière, à la fois sur des rôles où elle est dans un double jeu entre ce côté très enfantin et très adulte, je pense notamment à Beautiful Girls qu'elle a fait peu de temps après, mais aussi sur des rôles plus clairs comme dans Heat de Michael Mann où elle joue pour le coup vraiment une enfant mais qui est traversée par des troubles où on sent que les troubles des adultes, notamment d'Al Pacino dans le film, la touchent énormément, ce qui l'amène à un drame dans le film très très très fort. Pour préciser aux auditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant de toute la genèse du film Léon, l'actrice Mai Wen a ensuite, a posteriori, expliqué que Luc Besson s'était inspiré de sa relation avec Mai Wen alors qu'elle était encore mineure pour écrire le personnage de Mathilda et écrire la relation avec Léon. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est parce que autour de la table, vous êtes plus jeune que moi, ce qui arrive de plus en plus souvent quand même. Hein. Je dois l'avouer. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de changement complètement d'analyse générationnelle sur l'œuvre de Luc Besson parce que moi, je fais partie d'une une époque où quand Luc Besson a sorti Léon, comme ça arrivait juste après Nikita, Jean Reno reprenait le rôle de Victor. C'est Léon étant une sorte de cousin éloigné de Victor, c'est Luc Besson lui-même qui le disait. On a vu un film qui était un film noir et un film noir d'action réussi par un réalisateur français. Et toute cette dimension-là, de l'amour interdit entre une enfant et un homme plus vieux, c'est vraiment passé au presque à l'as, quoi. Et c'est quelque chose, il y a une relecture qui est vachement intéressante de voir qu'aujourd'hui, ça ne passe plus, même quand on revoit le film. Donc, bah, bravo pour votre génération. Et là, évidemment, les boomers vont dire « Non, c'est pas possible !» Mais en fait, je peux comprendre que... je peux comprendre que la génération précédente ait aimé le film parce que c'était pas souvent aussi qu'on voyait des petites héroïnes d'action des enfants. On avait une Newt un petit peu dans Aliens, mais elle était là le temps d'un film. Et en fait, c'était extrêmement rare, donc je peux comprendre que la génération précédente se soit projetée dans le personnage de Nathalie Portman, qui est quand même montré à la fois très enfantine et parfois très badass aussi. Justement, il y a cette dualité dans le rôle que Renaud disait très bien. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée que la génération précédant la nôtre ait vraiment adhéré au film, parce qu'aujourd'hui, on a des propositions qui sont peut-être plus intéressantes, mieux construites et avec moins d'ambiguïté là où il ne devrait pas y en avoir. Oui, puis il y avait le personnage de Gary Oldman aussi, qui porte quand même une grosse partie du film sur lui, qui joue ce flic complètement fou, qui est amateur de musique classique. Je pense que tout ça a concouru à l'image de ce film, Renaud. Oui, puis au-delà de ça, je pense que au-delà du personnage de Nathalie Portman, je veux dire l'aspect très inspiré du cinéma d'action hongkongais, en fait, qui est arrivé en France, je pense que ça a eu un impact énorme, ne serait-ce que dans la mise en scène de l'action, dans cette espèce de romantisme, notamment autour du personnage de Gary Oldman, mais pas que, autour de Léon aussi. Ça doit jouer forcément dans l'appréciation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, à voir, y a certaines séquences qui sont difficiles à regarder, c'est sûr. Et alors, une fois que Léon a été réalisé, donc elle l'a tourné quand elle avait 12 ans, et le film est sorti quand elle en avait 13, on a entendu dans l'extrait qui a précédé son premier rapport aux fans et au regard des hommes, Hossein Zerbini. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a donné le « là » de la carrière de Nathalie Portman? Bah, ça l'a façonné pour le meilleur, mais aussi pour le pire. On sent qu'à la fois il y avait beaucoup d'admiration et d'amour pour elle parce qu'elle jouait un rôle extrêmement populaire, et en même temps c'est venu avec toute la pression patriarcale qui impose aux actrices de grandir trop vite, et puis bah dès qu'elles sont vieilles en fait on s'en débarrasse. Donc c'est vraiment ce double standard de on les aime quand elles sont jeunes, mais il faudrait quand même un petit peu qu'elles vieillissent pour pas qu'on se sente trop coupable non plus de les apprécier physiquement. Et ça c'est aussi un dilemme auquel des actrices comme Chloé Moretz ou même Millie Bobby Brown de Stranger Things ont été confrontés ces dernières Dakota années. Fanning aussi. Ou même Dakota Fanning. Et c'est quand même assez préoccupant de voir que même à notre époque, rien n'a changé. Et ce que décrit Nathalie Portman, ce qu'elle a vécu il y a près de 30 ans, encore aujourd'hui, ça se produit. Et moi, ça me fout en l'air. Judith Beauvallet, ensuite, il y a un enchaînement de rôles après Léon qui est assez phénoménal. Alors, c'est des fois des interprétations plus modestes. Hein. Elle a un petit rôle dans Hit. Elle joue aussi auprès de Tim Burton, dans Mars Attacks. Il y a également Woody Allen avec Tout le monde dit I love you qui arrive un peu plus tard. Que penser de ce lancement de carrière qui est quand même assez impressionnant? Oui, alors en fait, je pense effectivement, je me demande si c'est pas aussi cette première expérience très dure, donc avec ces fameux courriers de fans et cette prise de conscience assez violente de ce que son image pouvait renvoyer sur un public adulte, qui lui a forgé le caractère très très tôt et qui lui a permis de se lancer là-dedans. En fait, ce qui est assez intéressant quand on entend parler, c'est que aussi jeune qu'elle était, elle était déjà avide en fait de travailler avec des grands réalisateurs. On voit que ça l'émouvait beaucoup déjà de travailler avec Tim Burton, même si c'était sur un plus petit rôle. Donc je pense qu'il y avait déjà une vraie conscience cinéphile et artistique aussi jeune qu'elle était, et en même temps, bah tout de suite des engagements qui sont nés en fait des expériences négatives qu'elle a vécues. Alors effectivement. Cette prise de conscience qu'elle a eue suite à Léon, comme le disait Océane, il y a un côté pour le meilleur et pour le pire, parce que à la fois ça l'a conduite à se forger une image d'intellectuelle. Effectivement, sa famille était plutôt intellectuelle, elle a tenu à aller à Harvard, elle a fait de longues études, et donc à moins se sexualiser à l'écran, ce qui fait que ça en a fait. J'ai l'impression que ça lui a donné une sorte d'image d'actrice respectable, hyper professionnelle, très bosseuse, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que on se dit en même temps, elle s'est sentie obligée peut-être de se créer cette image, justement quand même en, comment dire, par défaut par rapport à ce que, aux violences qu'elle avait reçues, à l'image violente qu'on lui renvoyait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a très vite pensé sa carrière comme ça, et ça fait preuve d'une grande force de caractère. Et en même temps, ça explique aussi peut-être le côté froid et mystérieux qui continue de l'entourer maintenant, qui fait que d'ailleurs les gens ne se sont toujours pas lassés d'elle, et tant mieux. Mais du coup, ouais, un peu à double tranchant, il n'y a pas que du positif là-dedans. Nathalie Portman est actuellement à l'affiche dans Thor, Love and Thunder, un film sur lequel je n'épiloguerai pas de peur d'être vulgaire. Néanmoins, il y a une bande-son qui vaut le coup, alors je vous propose d'en écouter un morceau, et si ça peut vous faire économiser le prix d'une place de cinéma, on écoute Guns N' Roses avec Sweet Child of Mine. Like always this hard. La vie c'est comme ça tout le temps, just when you're a kid, ou seulement quand on est petit. Child of Mine des Guns N' Roses. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Oui, mais pourquoi moi? You could have chosen anyone. T'aurais pu choisir n'importe qui, pourquoi moi? Because you cut off your curse. Parce que tu coupes la croûte du pain. C'est pour ça. When are you gonna Quand est-ce que tu vas arrêter le striptease? Soon. Bientôt. You're addicted to the drogue. Non, c'est pas vrai. Paid for this. Ça paye nos vacances. Un extrait de Closer de Mike Nichols sorti en 2004 où Nathalie Portman joue Alice. Elle est interprétée en français par Sylvie Jacob et où Jude Law joue Darry et il est interprété en français par Guillaume Orsat. Alors un rôle qui lui a valu un Golden Globe, c'est un petit peu le moment où elle a commencé à être reconnue par par ses pairs. Revenons un petit peu en arrière. Quand elle, après avoir enchaîné avec Michael Mann, Tim Burton et tout ça, il y a une sorte de virage qu'elle prend et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'elle laisse le rôle de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux à une jeune comédienne qui s'appelle Scarlett Johansson. Et j'ai l'impression, quand on regarde la carrière de Nathalie Portman, qu'en fait il y a une forme de miroir avec celle de Scarlett Johansson, mais que Scarlett Johansson a pris des décisions qui font qu'aujourd'hui elle peut dire à Disney. Je vous attaque parce que vous ne me respectez pas. Alors qu'on a l'impression que Nathalie Portman a peut-être été trop gentille, trop polie avec le système dans lequel elle travaillait. Quel est votre avis là-dessus ? Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on sait que Nathalie Portman n'est pas revenue pour Thor 3 parce qu'elle était en désaccord avec le choix du réalisateur de Thor 2. Oui, parce qu'elle voulait Patty Jenkins. Elle voulait Patty Jenkins et elle a été extrêmement contrariée que ça ne se soit pas fait et elle a quitté Marvel Studios à ce moment-là avec perte et fracas. Donc pour moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne pense pas que ce soit assagi auprès du système. Je pense juste qu'elle a des valeurs et elle s'y tient. Et je repense aussi notamment au fait qu'aux Oscars, il y a 2 ans, elle était venue avec une robe sur laquelle était cousu le nom de toutes les réalisatrices qui auraient pu mériter une nomination à l'Oscar de la meilleure réalisatrice, dont Greta Gerwig notamment. Et en fait, c'était une manière militante de dire n'effacez pas les femmes, n'effacez pas les réalisatrices. On compte aussi on ne sera pas là pour le faire oublier. Judith Beauvallet. Oui, en fait, je pense que Nathalie Portman, elle utilise davantage sa renommée pour avoir des engagements plus personnels dans la vie, peut-être plus militants, mais du coup, effectivement, je suis pas sûre qu'on la retrouve dans un bras de fer avec un gros studio pour des questions d'argent ou de salaire. Je dis pas du tout que Scarlett Johansson a tort ou que c'est une lutte indigne, hein, mais Nathalie Portman, je pense effectivement que avec toute l'image un peu intello qu'elle se trimballe, ça va aussi avec ses engagements qui sont très à côté, qui sont pour l'environnement, pour les animaux, ces luttes féministes. On en parlait, elle a créé un club de football féminin à Los Angeles pour que les jeunes filles puissent elles aussi devenir footballeuses professionnelles. Tout ça, c'est des choses qui se jouent pas forcément sur la scène d'Hollywood, mais il n'empêche qu'elle profite de son statut davantage pour ces luttes-là. Renaud ? Oui, il faut dire qu'elle le dit elle-même, elle a longtemps été très seule en fait dans l'industrie, elle s'est sentie très très solitaire et a attendu Time's Up découvrir des amitiés, partager des souvenirs et des expériences avec d'autres femmes et donc construire quelque chose. Je pense que à cause de ça, elle a souvent eu peut-être plus de mal à avancer sur certains points, en tout cas à se défendre sur certains points, notamment sur ses propres projets à elle. Elle en parle notamment parce qu'elle a réalisé quelques films, elle a fait un extrait d'un film New York I Love You, et avant elle a fait un court-métrage qui s'appelle Eve, et elle raconte elle-même que ça s'est très mal passé avec Lorraine Bacall, qui était assez âgée à ce moment-là, et parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Et de même, elle a eu beaucoup de mal à monter son premier film, parce que de ses propres dires, elle a du mal à jouer le rôle de producteur, elle a du mal à imposer ses choix, en tout cas en travaillant seule. Mais dès qu'elle est en équipe, dès qu'elle s'est retrouvée avec d'autres femmes, là, elle s'est retrouvée beaucoup plus capable et active. Oui, elle a besoin d'être dans une sorte de sororité professionnelle. Oui. J'ai l'impression, en tout cas. Et ce qu'il a fait connaître du grand public, c'est bien évidemment Star Wars, Padmé, Amidala. Une fois de plus, se pose le problème dans la carrière de Nathalie Portman. Problème, enfin, ça lui donne quand même de la notoriété, mais du blockbuster. On a l'impression qu'elle y participe, mais en fait, à chaque fois, que ça soit Star Wars ou que ça soit le rôle de Jane Foster quand elle travaille chez Marvel Studios, et ben parmi pléthore de projets qui apparaissent dans ces franchises-là, c'est toujours des projets très critiqués à la fois par les critiques et aussi par le grand public, même si après, avec le temps, on repense à la prélogie en disant finalement les épisodes 1, 2, 3, c'était pas si mal, etc. Parce que les gens vieillissent et sont contents de retrouver ce qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes. Comment on explique ça, ce différentiel, ce rapport compliqué qu'elle a avec les blockbusters, Océane Zerbini? Je pense que pour elle, c'est une récréation. Et puis c'est aussi une manière d'avoir un peu de visibilité pour ensuite faire ses propres projets à elle. C'est ce que beaucoup de gens font à Hollywood. C'est je prends le spotlight sur un énorme blockbuster, mais à côté, je suis tranquille pour faire mes petits films indés. Et c'est notamment dans cette période aussi qu'est sorti Garden State de Zach Braff. Oui, de Zach Braff. Où elle jouait un petit peu déjà ce prototype de la Manic Pixie Girl, qui est vraiment ce prototype de personnage féminin rêvé. Alors là, je n'ai pas du tout compris la phrase. C'est un concept qui est inventé par un critique qui s'appelle Nathan Rabin pour le personnage de Kirsten Dunst dans Elizabeth Town et qui a été très vite appliqué au personnage de Natalie Portman dans Garden State, qui correspond donc en fait, l'idée c'est si Ryan Gosling serait dans vos notebooks un fantasme pour les femmes pour dire il y a des hommes comme ça, alors Natalie Portman dans Garden State serait un fantasme pour les hommes, il existe des femmes comme ça, des femmes qui vont vous guider, un espèce de guide spirituel qui sont extrêmement lumineux et qui vous apportent énormément de choses sans forcément beaucoup évoluer en tant que telle. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent un peu d'un faire-valoir mais parfait en fait, qui n'a pas de défaut. Et c'est un peu ça aussi dans les Star Wars, c'est Padmé, alors j'adore Padmé, hein, c'est un de mes personnages préférés sans aucun problème, mais c'est vrai qu'elle est là, en tout cas dans les films, le personnage de Padmé est là pour faire avancer Anakin, mais il n'est pas là, elle n'a pas d'agenda à elle-même. Et c'est comme dans les films Thor aussi, c'est que elle est là au service de la romance, elle est là au service du personnage masculin principal, mais elle-même, ses motivations et sa psychologie sont relayées au second plan. Et je me dis, au fond, est-ce que ce serait pas un petit peu reposant aussi pour elle? Parce que, par exemple, pour Thor, en fait, elle sortait du tournage vraiment très éprouvant de Black Swan. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a choisi d'aller faire Thor, c'était un peu pour se changer les idées dans le désert du Nouveau-Mexique. Judith Beauvallet. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'envie de pause et de récréation que peuvent avoir les stars en fait, qui vont se perdre. Non, pas se perdre parce qu'il y en a des bien, mais en tout cas qui vont aller jouer dans ce type de franchise, de blockbuster, parce que je pense que c'est des plateaux sur lesquels bah, forcément il y a beaucoup de moyens et donc les acteurs se retrouvent toujours les premiers chouchoutés. Je pense que ce n'est pas toujours les choses les plus compliquées qu'ils ont à jouer. Ils ont beaucoup de cascadeurs, voilà. Et ils sont. Je pense qu'effectivement, c'est un peu des petites vacances pour eux, même si après il y a la promo qu'il faut faire. Et donc je ne pense pas du tout que ça la touche autant les mauvaises critiques envers Thor que s'il y avait eu des mauvaises critiques suite à Closer ou à Black Swan, à des projets beaucoup plus personnels. Je pense que c'est vraiment. Effectivement une récréation. On va poursuivre notre évocation de la carrière de Natalie Portman, mais pour le moment, on va écouter la douce voix d'Alexia Grady avec Un peu plus souvent. Tu aimerais me dire Alexia Grady un peu plus souvent. On avait le soleil en plein visage. Je ne devais pas mettre mes lunettes de soleil. Jack saluait les gens et j'ai vu un morceau de son crâne volé en éclats. C'était couleur chair, ce n'était pas blanc. Et là, je l'ai vu s'effondrer sur moi. Il y avait plein de sang et de cervelle sur ma jupe. Je lui ai demandé, Jack, est-ce que tu m'entends? Jack, I love you, Jack. Jack, je t'aime, Jack. And his head was so beautiful. Et sa tête était magnifique. And his mouth was beautiful. Bouche était magnifique. And his eyes were open. Il avait les yeux grands ouverts. Try to keep. J'ai essayé de lui maintenir. Top his head down. De lui maintenir la tête sur le côté. You will end. Pour éviter que ça sorte. Un extrait de Jackie de Pablo Larraín, sorti en 2016, où Nathalie Portman interprète Jackie Kennedy et qui était interprété en français par Mélodie Auru. Justement, ce rôle de Jackie Kennedy, ça prouve, s'il en était besoin, parce qu'on l'a pas encore assez dit depuis le début de cette émission, que Nathalie Portman, dès le début, c'est quand même une comédienne de folie. Faut quand même le dire, Renaud. Absolument. Je pense que c'est son plus grand rôle et que Black Swan lui a permis ce genre de choses. Sur le tournage de Black Swan, Darren Aronofsky lui disait souvent, en fait, à la fin, de quand il avait les bonnes prises en boîte, il lui disait « Et maintenant, on en fait une en plus, mais tu t'amuses. » Et elle a pris ça, en fait, pour la suite de sa carrière, pour se lâcher un peu. Et je trouve qu'elle est toujours à son meilleur quand elle est dans une tension entre deux dynamiques différentes. Dans Jackie, c'est la tension entre la figure publique, le cérémoniel, et l'autre côté, la rage qui boue à l'intérieur. Et quelque chose qu'on peut peut-être un peu ramener à sa vie aussi, ce qu'on disait avant, la figure publique qu'elle s'est construite, le mystère qu'elle installe, le fait qu'elle soit assez peu présente sur les réseaux sociaux notamment, etc. Et ce qu'il peut y avoir derrière. Et donc là, sur ce genre de film, on voit en fait que elle est exceptionnelle dès qu'elle joue quelqu'un qui doit performer, dès qu'elle joue quelqu'un qui a un masque. Et on retrouve ça, dans ses meilleures performances, dans Black Swan, dans Vox Lux, qui n'est pas un film que j'apprécie énormément, mais qui est une très bonne performance, et surtout dans Jackie. Judith Beauvallet, c'est également un visage qui est absolument incroyable. Je pense que s'il y a bien une sorte de résumé d'accroche qu'on pourrait faire pour Nathalie Portman, c'est qu'elle c'est une actrice de visage. Son visage, c'est un paysage en tant que tel. La moindre émotion, il y a quelque chose de fascinant. Et ce qui, justement, rend son utilisation dans les blockbusters presque antagoniste. Parce que là, c'est pas le visage qui est mis au premier plan. Mais c'est ça, en fait, je trouve en fait que les blockbusters sont un type de films qui lui vont assez mal, qui servent mal son jeu et qui effectivement ne sont pas un terrain intéressant en fait pour le type d'acting qu'elle a. Et effectivement, oui, tout se passe sur son visage et c'est notamment très très intéressant dans un film comme Jackie justement dont on parlait, parce que pour moi c'est vraiment un film dans lequel elle joue le vide, c'est-à-dire que on a vraiment un personnage de femme qui ne vit que pour la ce qu'elle veut sauver de la représentation de son mari, de sa propre représentation, d'un certain statut politique. Mais on ne la connaît pas, même à la fin du film, on ne la connaît pas en tant que femme, en fait. Vraiment, le personnage n'est que représentation, n'est que coquille vide, et n'est que son intimité n'est vraiment que suggérée par quelques regards, mais effectivement, tout ça, c'est des choses qu'elle fait passer sur son visage avec trois fois rien. Et ce genre de jeu très très subtil, dont elle est la reine, hein, c'est sûr, sont des choses qui, je pense, ne conviennent pas spécialement au blockbuster, et c'est pour ça aussi, je pense que c'est pas là que se joue l'essentiel de sa carrière. Et ce qui est intéressant dans Jackie, c'est qu'elle joue le rôle d'une femme très puissante, mais qui vit dans une maison où rien n'est à elle. Où voilà, la maison, le mobilier, rien n'est à elle, même le deuil, on lui permet pas véritablement de l'avoir, son mari ne lui appartient pas. Or, c'est exactement dans sa carrière, la manière dont elle s'est retrouvée dans des franchises où les personnages ne lui appartenaient pas. C'est-à-dire que Padmé, c'est effectivement un moyen dans une franchise beaucoup plus grande, c'est censé être la mère de Luke et Leia. Jane Foster, c'est pareil, le personnage ne lui appartient pas. Et je me suis demandé si dans Jackie, il n'y avait pas cette mise en abîme aussi de dire « J'ai beau être puissante, il n'y a pas grand-chose qui m'appartient quand même. » Océane Zerbini. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la perte de contrôle. On sent en fait que c'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial à Hollywood, c'est avoir le contrôle de son image, avoir le contrôle des scripts qu'on reçoit, et vraiment tout contrôler pour pas qu'il y ait d'imprévus. Et ce qui est intéressant avec Jackie, c'est que c'est justement un rôle dans lequel elle veut constamment essayer de reprendre le contrôle sur des choses qu'elle ne peut pas contrôler, alors que effectivement elle devrait pouvoir contrôler la manière dont elle pleure son mari. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, elle avait fait deux films de Terrence Malick, qui est connu justement pour son grand sens de l'improvisation, et où justement les acteurs étaient libres, sans forcer, eux-mêmes se réapproprier leur personnage, eux-mêmes avaient le contrôle de ce qu'ils disaient. Et en fait, je trouve que c'est une excellente alternative aussi à Jackie, les films de Terrence Malick, parce qu'on sent qu'aussi qu'elle a pu apprivoiser ces personnages-là, qu'elle a pu leur donner corps, alors que pourtant ils ne sont pas forcément présents. Et on sait d'ailleurs qu'il y avait eu quelques bisbilles entre elle et Christian Bale, notamment sur Night of Cups, mais ils se sont finalement rabibochés pour Thor 4. Mais à mon sens, ça fait aussi partie de ces performances un petit peu sous-estimées, mais aussi qui participent au fait qu'elle choisit très bien les réalisateurs avec lesquels elle travaille, et qu'en plus c'est aussi pour elle des terrains d'expression. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle se projette dans des personnages qui justement ne peuvent pas avoir ce terrain-là d'expression. Et forcément, on pense aussi à Black Swan, où elle est vraiment une danseuse sous emprise constamment, et qui, quand elle essaie de se libérer, que ce soit sexuellement ou physiquement, il y a toujours quelque chose qui doit la retenir en fait. Thor, Love and Thunder est le dernier film de Natalie Portman sorti sur les écrans, et ce film, y a des gens, ils n'aiment pas. Le problème avec tous les personnages, c'est celui de Jane, incarnée par Natalie Portman. Alors la faire revenir pour faire autre chose qu'être une potiche avec un livre de physique-chimie dans les mains, c'est une idée franchement amusante. Adapter la Mighty Thor des comics où le personnage se retrouve avec un cancer et le marteau de Thor, c'était une idée très amusante. Et franchement, à ce stade, donner quelque chose à faire à une actrice comme Natalie Portman, c'était franchement la moindre des choses, hein, soyons honnêtes. Et on retrouve Natalie Portman, qui vient faire de la figuration. Elle en a rien à péter de ce qu'elle joue, ça se voit à des kilomètres. À l'époque déjà où elle était dans les premiers films Thor dans le MCU, j'étais pas trop fan d'elle, mais ça passait, on va dire que ça passait, sa dynamique avec Thor était pas mal. Et là, eh ben, Marvel a voulu en faire une simple super-héroïne assez basique finalement. Et on sent clairement que c'est juste pour remplir le quota de super-héroïne, quoi. Son personnage est plat, quoi. C'est juste, ah ben voilà, maintenant je suis une femme avec des gros muscles, je fais mumuse à qui est le plus fort entre moi et Thor, et voilà. Et c'est ça pendant 2 heures, super. Et alors là, on est face, bon, à une Natalie Portman, tu te demandes déjà ce qu'elle fout là. Moi, il y a un moment donné, je vais plus avoir de respect pour ces acteurs, quoi. Moi, je suis désolé, ces actrices que j'aime, que j'adore, il y a un moment donné, faut pas me faire croire qu'elles ont besoin de thunes, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans ces films-là? Alors, à moins qu'elles soient sous contrat et qu'elles soient obligées, voilà, de réapparaître dans ce film-là, etc. Mais sinon, vraiment, je ne vois pas la raison, quoi. Il y a un moment donné, je vais arrêter de respecter ces acteurs et ces actrices, quoi. Moi, qui se retrouvent dans des merdes pareilles, quoi. Surtout pour essayer de défendre un rôle écrit comme ça. Parce que là, vraiment, on est dans un ridicule, mais absolu. J'aime pas. Renaud, donc là on a entendu quelqu'un de très très virulent. Vous venez de voir ce film. Qu'en avez-vous pensé? Mais je pense que tous les gens qu'on a entendus là, c'était moi en fait. C'est ça. Non, c'était effroyable. Moi qui avais apprécié pourtant le précédent volet signé par Taika Waititi il y a quelques années, le Ragnarok. Là, connaissant en fait le matériau de base qui est utilisé de Jason Aaron dans les comics, et même sans le connaître en fait, le film à la fois joue la carte de l'émotion quand il le veut et joue la carte des sketchs à la SNL quand il le veut. Le résultat. Saturday Night Live. Oui, voilà Saturday Night Live. Le résultat est infect, imbuvable, et je trouve ça d'autant plus dommage que dans le premier film Thor, je trouvais qu'il y avait des dynamiques intéressantes autour du personnage de Jane Foster, notamment autour de la dynamique entre la tension, en tout cas entre la science et la magie, que là on aurait pu retrouver avec justement la maladie qu'elle a et le fait qu'elle va acquérir des pouvoirs magiques. Mais ça n'est pas vraiment exploité du tout. Judith Beauvallet. Eh ben oui, alors moi je suis pas une habituée des Marvel, voilà, je dis pas que j'en avais jamais vu, mais je suis arrivée devant ça en me disant mais vraiment en fait qui regarde ces films, c'est pas possible, comment ça peut encore se faire? Et en fait c'est justement spécialement regrettable du côté du personnage de Natalie Portman, parce que je trouve qu'en fait il y avait une tension dramatique autour de ce personnage qui aurait pu permettre de réconcilier le genre de choses qu'elle aime jouer et le genre de choses dans lesquelles elle est plus à l'aise avec l'univers de Marvel, et en fait si on lui avait donné l'espace pour le faire, surtout qu'en plus comme le film a quand même un ton très léger et qu'il y a pas mal de tentatives de blague, il y a des choses, bon, bah, voilà, parfois assez drôles. En fait, on s'aperçoit aussi que Natalie Portman, elle est capable d'être drôle. Enfin, on le savait, mais c'est vraiment pas l'essentiel de sa carrière non plus. Et en fait, ça aurait été hyper intéressant de lui donner l'occasion d'être vraiment drôle et d'explorer son côté comique. Et bah, c'est très frustrant à ce niveau-là, et à tous les niveaux d'ailleurs. Océane Zerbini. Bah justement, Renaud parlait du Saturday Night Live. Moi, j'ai le souvenir d'un rap parodique de Star Wars qu'elle avait fait et qui était absolument brillant. Et en fait, c'était mieux que Love and Thunder. donc, je vous invite à aller voir ce rap. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'elle-même disait que sur le tournage, Taika Waititi laissait les acteurs improviser, faire des dizaines de prises et qu'elle-même n'était pas forcément très au même de cette technique et que par moment, elle était un petit peu déstabilisée. Elle a aussi avoué que beaucoup de choses du film avaient été coupées, notamment des planètes, des peuples. Et même des acteurs, des grands acteurs qui ont été coupés au montage. Comme Peter Dinklage mm-hmm. ou Jeff Goldblum notamment. Et résultat, c'est vraiment, comme je le disais chez nos amis de First Print avec Arnaud Kikou, notamment, c'est que c'est un mollusque en fait. Le film n'a pas de squelette, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Et au moment où on arrive aux dernières scènes, je me suis dit, mais quel dommage de l'avoir fait revenir pour ça, alors qu'effectivement, le potentiel était là pour allier à la fois le ton dramatique, comme elle sait le faire, avec quelque chose d'un peu plus léger, comme elle savait le faire, notamment dans les deux premiers films Thor. Et c'est vrai que pour moi, ça ressemble à du gâchis, notamment quand on sait sa préparation physique pour le film, qui a été très costaud, quand même. Oui, vous vouliez parler de ses bras. Voilà, il est très musclé. Mais alors, je tiens à préciser, parce que j'ai entendu dans le troll, qu'on parlait de Marvel avait voulu. Attention, il faut bien faire une distinction, c'est Marvel Studios, car le personnage de Jane Foster en bande dessinée écrit par Jason Aaron est un personnage fantastique. Ce que vit Jane Foster en bande dessinée, c'est absolument grandiose, et c'est d'autant plus parce que je sais que je vais recevoir des mails en disant « Oui, pourquoi vous critiquez bande ?» Mais c'est que quand on connaît le matériau de base et le message qui est donné autour du personnage de Jane Foster sur le cancer, la rémission, la résilience, etc., est-ce qu'elle choisit de faire, est-ce qu'on a donné, et à mon avis c'est comme ça qu'on a séduit Nathalie Portman pour jouer ce rôle, et qu'on voit ce qui en a été fait à l'écran, là est la colère, voilà, donc lisez la bande dessinée. Et je pense pas que ce soit une question de quota par contre, je pense vraiment que Taika Waititi tenait vraiment à la faire venir parce que il avait très envie de revoir ce personnage. Donc je sais que tout ce qui est quota, diversité et tout ça, en ce moment, ça fait un peu grincer des dents. Mais je pense pas, en tout cas, pour ce rôle précis, qu'il se soit dit on va faire de la diversité, du woke avec de gros guillemets. C'est juste que je pense qu'il voulait vraiment avoir une conclusion aussi avec Nathalie Portman, parce que ça s'était un peu mal fini, ils étaient un petit peu réconciliés avec la scène qu'elle avait enregistrée pour Avengers Endgame. Et c'est dommage que les retrouvailles se fassent avec un tel film. Nathalie Portman était une enfant star, mais elle n'est pas la seule. On écoute une autre représentante de la précocité médiatisée, Billie Eilish, avec I Didn't Change My Number. Okay. I didn't change my number. I only changed who I replied to. Laura said I should be nicer, but not to you. I love how you were mad at me, text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve. I don't deserve. So don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. And take it out on you. Should have left when Drew said you were bad news. Mm-hmm. Billie Eilish, I Didn't Change My Number. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Lily. Mais vous lui avez demandé d'être ma doublure. Toujours une doublure. Lily est la mieux placée. Non, elle veut me voler mon rôle. Toutes les danseuses du monde rêvent de ton rôle. Non, mais elle, c'est différent. Elle en a après moi. Elle essaie de prendre ma place. Personne n'en a après toi. Non, please, please. Je vous supplie de me croire. Nina. Je me suis forgé une réputation de femme prude, conservatrice, intello, sérieuse, afin que mon corps soit protégé et que l'on écoute ce que j'avais à dire. À 13 ans, le message de notre culture était clair pour moi. J'ai senti le besoin de couvrir mon corps et d'inhiber mon expression et mon travail dans le but d'envoyer au monde mon propre message, à savoir que je suis quelqu'un qui mérite la sécurité et le respect. La réponse à tout ça, des petits commentaires sur mon corps à des déclarations plus menaçantes, a servi à contrôler mon comportement dans un environnement de terrorisme sexuel. Un monde dans lequel je pourrais m'habiller comme je le veux, dire ce que je veux et exprimer mes désirs de la façon dont je le souhaite, sans craindre pour mon intégrité physique ou ma réputation. Voilà ce que serait le monde dans lequel le désir des femmes et leur sexualité pourraient enfin s'exprimer pleinement. J'aimerais donc proposer une façon de permettre à cette révolution d'aller plus loin. Proclamons haut et fort, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je désire, voilà comment vous pouvez m'aider à éprouver du plaisir. Une révolution du désir, un discours tenu par Nathalie Portman le 20 janvier 2018 pour la Marche des Femmes à Los Angeles. Alors, on l'entend, elle ne mâche pas ses mots, elle est très très claire. Cette manière de d'aborder frontalement tout ce qu'elle a vécu, et mine de rien, c'est pas aussi courant, et même avant MeToo, c'est pas si courant chez une actrice, Océane Zerbini. Oui, c'est assez rare, donc on peut reprocher beaucoup de choses au mouvement MeToo, dans la construction notamment aussi du mouvement Time's Up, mais c'est vrai que ça a permis une libération de la parole, qui est aujourd'hui très très salvatrice et qui permet aussi à d'autres actrices de pouvoir poser des mots sur ce qu'elles ont vécu et de se sentir moins seules et justement de contribuer, comme on l'a dit, à un esprit de sororité entre chaque actrice qui leur permet de se serrer les coudes et de se sentir moins seules, parce que c'est vrai que quand on est isolée comme elle l'a été au début de sa carrière, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de parler quand on se sent seule que quand on se sent écoutée. Renaud? Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que le film Beautiful Girls, dont je parlais tout à l'heure, l'avait fait réagir à ce point, puisque il était produit par Miramax, donc par la boîte de production de Harvey Weinstein, et ce qui a été un déclic pour elle, en fait, c'est de se rendre compte que la plupart des filles qui étaient plus âgées qu'elle à l'époque avaient témoigné de la violence, des agressions d'Harvey Weinstein. Donc je pense que ça a été un déclic pour elle aussi à ce moment-là. Philippe Bollet. Oui, alors ça me fait penser justement parce qu'on entendait un extrait de Black Swan à l'instant. Black Swan, au-delà d'être un fabuleux film, je trouve que c'est aussi un fabuleux commentaire sur sa carrière en fait aussi. Et parce que c'est un film dans lequel elle incarne, comme elle le dit, une jeune fille très prude, même puritaine, très innocente, très infantilisée même pour les besoins de sa carrière, et qui finalement va devoir réussir à dépasser tout ça. Et un film dans lequel son corps est exploité de manière assez violente, aussi bien pour la danse, pour la performance, mais aussi pour la séduction. Et donc en fait, je pense pour moi, pour le coup, contrairement à Jackie, enfin Renaud vis-à-vis de Jackie, que c'est le rôle de sa vie aussi, parce que c'est un rôle qui est fait sur mesure pour elle, et je pense que c'est d'une manière très artistique aussi un commentaire sur ce qui a déclenché son féminisme, je pense. Je précise quand même que je préfère Black Swan, mais que je pense que Jackie est un meilleur rôle. Alors, et je trouve aussi, très rapidement, je trouve aussi que c'est intéressant de voir Winona Ryder aussi dans Black Swan. Oui, parce qu'elle aussi a commencé extrêmement jeune, elle a eu des déboires très jeunes aussi. Et voir les deux ensemble dans le film, ça représente un peu le spectre de l'expérience féminine quand on commence très jeune à Hollywood. C'est vraiment aussi un commentaire sur la carrière de Winona Ryder vis-à-vis d'un portrait comme Nathalie Portman, d'un profil. Et alors, on a évidemment passé plein de films sous silence parce qu'elle a quand même cumulé un certain nombre de performances. Mais il faut savoir que sur sur scène aussi. Elle a notamment joué avec Meryl Streep, avec Philip Seymour Hoffman. C'est, pendant qu'elle étudiait à Harvard, elle jouait dans cette pièce et elle a, mais ensuite, elle est partie étudier en Israël. Elle maîtrise l'hébreu, l'arabe, étude de l'islam, étudie. C'est quand même incroyable d'avoir quelqu'un qui a réussi à accumuler autant de choses en si peu de temps. C'est quand même une actrice. Globalement, le grand public la sous-estime énormément. Oui. Et d'ailleurs, il faut savoir une petite anecdote. C'est que dans le film The Social Network de David Fincher, à un moment donné, il y a une référence à une actrice d'Harvard. Et en fait, c'est elle. Et c'est elle qui a donné quelques conseils et quelques infos sur l'université à Aaron Sorkin qui a scénarisé le film. Ah, ça c'est le truc qui pose. Ouais, j'ai fait ça sur mon temps libre, j'ai aidé un petit peu Aaron Sorkin. Oui, et son temps libre alors qu'elle en avait pas. Elle n'avait pas de temps libre. Parce que la première pièce dans laquelle elle joue, avant elle a été understudy, avant Léon même sur Broadway dans une pièce en 92 dans laquelle elle n'a du coup jamais joué, mais ensuite elle a joué dans une pièce adaptée du journal d'Anne Frank quand elle était au lycée, et elle cumulait les deux, apparemment c'était horrible, et effectivement après elle est repassée au théâtre auprès de Mac Nichols, c'est comme ça qu'elle est devenue très proche de lui, le réalisateur, et qu'elle s'est retrouvée ensuite dans Closer. Mais récemment, elle a sorti un livre de fables pour enfants. Et quand on regarde même la liste des différentes actions qu'elle fait en termes d'activisme, qui ne sont pas très médiatisées, je trouve. J'ai découvert des trucs. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'équipe de foot qu'elle a créée, mais elle a fait des interventions dans je ne sais combien de pays en Afrique pour aider à monter des business qui seraient dirigés par des femmes. Elle a fait des trucs partout. Elle a été très critique aussi du gouvernement israélien. Absolument, oui. Elle a reçu un prix... Elle a reçu un prix là-bas où elle a refusé d'y aller, en fait, parce que c'était avec Netanyahu et elle ne voulait pas être à ses côtés, en fait. Mais je pense qu'il y a un côté, tu vois, ça va avec le fait qu'on disait que c'était une personne qui aimait beaucoup jouer dans le contrôle et avoir beaucoup de contrôle sur ses performances et sur ce qu'elle faisait. Et je pense que c'est le genre de personne qui laisse peut-être peu d'espace dans sa vie et qui occupe en fait tous les espaces de sa vie pour réussir à avoir conscience de tout ce qu'elle fait et finalement peut-être ne pas tellement lâcher prise, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous auriez un film à conseiller qui soit un petit peu, qui cristallise tout ce que vous ressentez vis-à-vis de Nathalie Portman, ouais. Hélène Zerbini? Je vais citer Annihilation, qui a eu un destin vraiment très injuste au box-office américain, qui est arrivé sur Netflix en France, qui est c'est une adaptation vraiment terrible du roman du même nom, d'un auteur de SF, Jeff Vandermeer, pardon. C'est signé Alex Garland, qui est un des meilleurs scénaristes Hollywood en activité. Dans lequel joue Tessa Thompson aussi. Exactement. Qui joue dans, et Tessa Thompson joue dedans, et c'est justement un film qui encapsule aussi un peu l'expérience féminine, puisque c'est une équipe de femmes qui doit résoudre un mystère autour d'une météorite qui tombe sur Terre, et c'est une réflexion sur la féminité, le couple, qui est absolument fabuleuse. Annihilation. Judith Beauvallet. Pour moi, c'est forcément Black Swan, hein, qui est vraiment, en plus, bon, moi, c'est vrai que ma partie, c'est plutôt les films d'horreur, les films de genre. Là, on est tout à fait dans ce que j'aime, c'est-à-dire les films qui vont justement jouer à la limite, on va dire, de l'horreur, et utiliser toute une imagerie à la fois gothique, romantique, en plus avec la musique de Tchaïkovski, qui est absolument sublime. Pour moi, c'est le summum. Bon, alors, Renaud, faudra revenir pour dire, mais là, c'est la fin de cette émission. Océane Zerbini, Renaud Besbourdier et Judith Beauvallet, merci beaucoup. Merci également à Guillaume Roux à la technique et Kevin Pelot au mixage. Et vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Et demain, place à la musique populaire de toute une époque. On va revenir sur l'émission culte du Top 50. Désirless, La Lambada, Début de soirée, autant de chansons kitsch qu'on chante pourtant à tue-tête dès qu'on a 2 grammes avec des amis. France Inter.